aimant, les gravures. Regardant en dessous. Comme un démon. Oui, je regardais la scène comme un démon. Il semblerait qu'il y ait des ressemblances entre des apparences. Je crois que je peux faire des croisements. Oh. repousser les croyances. S'il se basait sur l'expérience. Proposition. It's just a proposition. Do you wanna try? Give me my friend, my camarade. Va falloir pactiser. Les choses à moitié. C'est mon avis. C'est comme ça que ça fonctionne. J'adore. Comme si j'étais sur un plongeoir, prêt à plonger dans une piscine vide. Au bord du plongeoir, au bord du précipice. Il semblerait que les apparences en cette place. Ah. Putain. Oh. Je t'ai dit. Fini. Maintenant. Fini. Non, c'est fini. Ok, on passe à autre chose. The Neville, Papadia. Neville, Neville, Neville, Neville. Yeah. Popo. Global problème. God, the problem. Mon point de vue, en tout cas, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens à l'instant présent. De fou, un truc de dingue, un truc de psychopathe qui te remonte des pattes jusqu'au cerveau, comme à l'époque Arthur Rimbaud. Puissance sensation. C'est la puissance. Ouais. Global problème. Stella, Stella, Splendes, Utsulis, Ladium, Saulis, Stella, Stella, Stella, Splendes, Utsulis, Ladium. Stella, Stella, Splin, Splenda, Splenda, Utsolis, Ladi, Utsolis, Ladi, Stella, Exaudi. In your hand, if you want, take control. What's in your heart? Justin, yo. Hey, yeah, yeah. Non, non. Pas c'est beau. Pas babé, non. It's possible. Take. Illusion. Sensation. Illusion. Envoyez en l'air. Ouais. Propulsé. Dans. Une autre dimension. Explosé. Pire. Civilisation. malgré tout. Malgré toutes les alertes, malgré tous les reproches, malgré les regrets, malgré les remords, on est encore envahi, envahi par les herbes, envahi, ruiné. Limite de se demander si pourquoi commencer tout à zéro. On a quand même le feu, on a encore le feu, la flamme, la chaleur. Beauté du monde, encore la beauté, encore le goût, un bon repas. Oh. Une belle table. Quelques belles bouteilles. Allons, allez. On va festoyer. C'est l'heure, mon ami, mon frère, ma sister, ma beauvoir. Feste. C'est une fête imprévue. C'est une fin de soirée. Hyper agréable. J'adore la puissance, la base. Oh. Comme s'il en fallait, comme s'il en pleuvait, il semblerait que. Fini. Absolu. Extrême. Magnifique. Unique. Instant. What a wonderful. Oui. No need God, no need master, no need affronter la scène, la situation. Oui, able to make noise, able to make sound, able to make a situation. With you, my friends. Only with you, my. Oh, able to make noise, able to make music, able to listen, able to make sound and share it. Oh. Thank you, brother, sister, love. Sound. I want to. Baby, can't you drive my car? I don't wanna be a star. Do you want to be a star? Yes, you want? Wanna be, just a wanna be, just a wanna be. Ah, dragonfly, butterfly, need to go to the other. Transformé par l'ambiance, absorbé par les apparences. J'ai oublié. Forget the beauty of them. Wait. Need to go to the river. With you. Amour universel exclusif. Je ne dirai pas mieux pour brouiller le terrain d'opération. Une tentation extraordinaire. Essayez, ratez. Une apparence jolie, ah. Des oiseaux, des cascades, camarades, absorbé par l'ambiance. La beauté du son. Je te demande de disparaître. Thank you. tu as piqué. Under the bridge. Over the downtown. Malgré tous les amplis, ah, gratte autour de moi. Je ne sais pas encore absorber l'atmosphère ambiant si belle. Fondamentaux à l'imposture probable de toute apparence. Soyons lucides. Apparences. We are the people. Ever to make noise. Thank you. côté invisible. Fuyé par un comité invisible. Appuyé par un comité invisible. Là, c'est que t'as compris. N'oublie pas les vieux amis. Fondamental. Combien? Comment? C'est pas une question de nombre. Thank you.